Les débats. Pas de radio et pas d'insultes. De Gérard. Et voilà, le disque que vous venez d'entendre tout à l'heure, c'était les Lilliputs de Pluto avec les monnaies en euros. Et le disque que vous venez d'écouter, c'est Manu. Tout de suite, merci Manu. C'était les GG Bruel avec, avec la solo de Dogralo. De 22h à domicile. Donc, non, en fait, c'était GG Bruel avec la Sodo Gratos à partir de 22h à domicile. Oui, ça amuse-toi à dire des conneries comme ça. Et puis non, c'est le titre. Oui, ben, ok. Et alors, pour ça, on va accueillir Djaré, 21 ans de Bourges. La fréquence, s'il te plaît. Allô ? Oui, bonsoir. La fréquence est 97.8. Bonsoir à tous. 97.8, bonsoir à toi. Allez, c'est quoi, c'est ? C'est quoi son nom là? Sveltes. Sveltes. Salut Gérard. 19 ans, Dijon, la fréquence 102.8. 102.8. Merci à toi. Et Wesh Wesher. Sur 113.5. Ouais, c'est ça, 101.9. Hein. Prends-moi pas pour un con, surtout Paris, c'est ça, ça n'a jamais été 113.5. D'accord. Donc vous êtes toujours sur Fun Radio, donc il y a Manu qui vous attend au standard, ouais, au 0803-08-5000. C'est Pil Dark qui a repris les commandes de l'AREA. Et bien sûr, toujours www.frpunradio, voilà, où que Rigo vous attend. Voilà, et je voulais juste dire à Manu qu'il y a un pote qui est rentré chez lui. Ouais. Voilà. Gérard, okay. Gérard, on devait pas appeler. Ben, c'est à lui de le faire, c'est fais pas le maintenant, fais-le en live. Fais-le en live alors. Donc, par contre, avant de commencer le débat sur les régimes, je voulais souhaiter un coucou à un dénommé Rabat et que Evelyne l'aime de tout son cœur. Et voilà. Et ça, bon. C'est pas les dédiphones, hein. Ouais, mais même. Et puis on avait dit de pas citer de marque. Ouais. Non. Attends, on va l'appeler. Donc, alors, on va faire les régimes. Ouais. Donc, on va commencer déjà comme ça. Seriez-vous prêt à faire un régime pour garder votre copain ou copine? Allô? Ouais. Oui. Oui. Bon, tu t'appelles comment? Ta gueule. Ouais. Elle est pas sympa, ta. Qu'est-ce qu'elle a, son? Oh, tu me la rappelles, là. Rappelle-la. Qu'est-ce qu'elle fait, là? Je te signale, fais le bon numéro parce que sinon ça va chier pour toi, toi, oui, Manu. Je connais le numéro. Je fais le bon, je le connais par cœur. Mais alors, seriez-vous prêt à faire un régime pour garder votre copain ou copine? Ça sonne. Allô? Oui, bonsoir. Avec qui là? Non. Oui, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Est-ce qu'on pourrait... une conversation. Est-ce qu'on pourrait parler à Sandy, s'il vous plaît? À Sandy, ne quittez pas. Merci. Ouais, elle n'est pas toute seule. Non. Ah, c'est pas le numéro de la maison. Alors, hop, au revoir. C'est pas le numéro de la maison. Attends, elle va arriver. Non, c'est pas le numéro de la maison. Attends. Mais elle a pas de copine. Non, tu permets. T'as pas fait le bon numéro. Alors, Manu, tu me raccroches ça, s'il te plaît. Merci. Ah, attends. Allô? Voilà. Allô? Sandy? Monsieur Durand? Non. Ne quittez pas. Non, alors hop, bonne nuit pour moi. Non, allez, hop, hop. Tu m'as pas fait mon numéro. Gérard, il y a Roadrunner sur l'IRC, il aimerait bien entendre le disque Une allumette dans le cul de sa sœur avec quelques pièces de monnaie. Ah bah ça, faut demander à... C'est pas dans la prog ce soir. Il n'y a pas Maréchal Ferrand qui suce des queues de cheval? Non plus. Désolé, Roadrunner. Alors donc, la question, je la répète, seriez-vous prêt à faire un régime pour garder votre copain ou copine? On va demander ça à Djaré. Allô? Attends, Manu, remets les auditeurs. Ça y est. Djaré. Ah, ça y est, je suis revenu, là. J'étais au fin fond du trou, là. Ouais, moi, en fait, j'ai fait un régime forcé, parce que, comme mon nom l'indique, j'espère que vous n'allez pas vous moquer de moi, mais je suis quand même un petit peu atteint de diarrhée aiguë. Et donc, ça me fait faire un petit régime forcé, et moi, je trouve que les régimes, c'est pas marrant, parce que, voilà. Parce que moi, je vis ça au quotidien, je passe des heures, voilà, et voilà, c'est tout. Mm-hmm. D'accord. J'aimerais bien qu'on se moque pas trop de moi. Non, mais attends, pour l'instant, on se moque pas de toi, d'accord? Non, mais je prévois d'entrer. Non, mais t'inquiète pas que si ça se passe mal, c'est moi qui okay, gère. Ok. Sveltes. Ouais, Sveltes. Moi, j'en ai pas besoin parce que je suis super bien gaulée, donc j'ai jamais eu besoin de faire. Non, mais attends, Sveltes. Sveltes. Hein. Je vais te dire une chose. À chaque fois, c'est pareil. Quand il y a certaines nanas qui disent ouais, qu'ils aiment Max, elles disent ouais, je suis super canon et tout ça. Oui. Et dès qu'on les voit, c'est des tons. Alors arrêtez de nous faire croire que vous êtes super mignonne à l'antenne et que derrière ça soit le contraire, d'accord? Bravo. lettre, hein, parce que ça, ça, faut pas nous prendre pour des cons. Ouais. Pour un con, je te dis la vérité, demande à Max. Ouais, ben, demande à Max, c'est ça. Je vais pas demander à Max. Manu, oui. Oui, donc, une auditrice supplémentaire, on va accueillir Pitbull Mystère. Allô. Bonsoir. Qui est bonsoir. Pitbull Mystère. Salut, Pitbull Mystère. Oh, salut, toi. Bonsoir, tout le monde. Salut, ma chérie. Ça va, Sandy? Oh non. Pitbull? Ouais, ah non, ouais Pitbull Mystère. Moi, hein. Ah, d'accord. Alors, Pitbull, 27 ans, de Paris, 101.9. Tu connais son âge? Salut, Pitbull Mystère. What was there? Ouais. Alors, est-ce que je serais prêt à faire un régime pour mon copain? Non. Non, attends. Seriez-vous prêt à faire un régime pour garder votre copain ou copine? Donc, ça s'adresse aussi bien. Par exemple, je précise la question parce que c'est vrai que j'ai pas trop précisé. Ouais, parce que sinon, j'ai perdu. Non, mais c'est par exemple, toi, est-ce que tu serais prêt à faire un régime pour ta copine ou vice versa? Ou ta copine serait prêt à faire un régime pour toi? Moi, je serais pas prêt à faire un régime pour mon copain ou pour ma copine. Si je suis gros, elle m'aimera gros et c'est tout. Un point, c'est tout. Non, mais attends. Non, mais attends. Wet washer. Écoute bien ce que je te dis. C'est pas la peine de monter sur tes grands chevaux quand je te parle, ouais. Parce que ça sert à rien. Ouais. C'est parce que je suis l'équitation, des fois ça me. Hein? Non, mais moi je te dis une chose, ça sert à rien de monter sur tes grands chevaux parce que sinon moi je te gerbe. D'accord? Alors ça suffit. Donc moi je te demande, est-ce que tu, par exemple, je sais pas ton poids, ça me regarde pas. Est-ce que tu serais prêt à faire un, par exemple, si tu es avec quelqu'un, est-ce que tu serais prêt à faire un régime pour elle? Non, c'est choisi. Non, je serais pas prêt à le faire. Ah voilà. Elle m'aimera gros ou mince, mais comme je suis. D'accord. On est comme on est, hein. Voilà, tout à fait, bien dit. Pitbull Mastoc, là. Bah écoute, moi je pense que chacun fait ce qu'il veut, mais oui, pourquoi pas. Si on veut plaire à son copain ou à sa copine, on est obligé de faire un régime. Voilà, hein. Tu l'as pas fait, toi. Tout dépend si on est gros ou si on n'est pas gros. Mm. Alors attention, un conseil que je donne, le prochain qui traite quelqu'un de salope, dégage. Ça, c'est clair et net, parce que le mot que je viens d'entendre, je ne veux pas le rentendre. Ouais. Ça t'a pas fait plaisir. Ok. Parle pas comme ça aux chiennes. Attends. Là, vous allez vous calmer, parce que sinon, vous allez virer entre wet pressure et diarrhée. Arrêtez. Ouais, c'est naze. J'ai rien dit. On va peut-être arrêter allez, un petit peu. On y va, je vais gérer. Alors, moi, je peux... toi, Pitbull Mystère, là. Oui. Donc, toi, la question, c'est comme on est. Non, ce que je veux dire, c'est que chacun fait ce qu'il veut. Bon, s'il y en a un qui veut faire un régime, il fait ce qu'il veut. Mais tout dépend de savoir s'il est gros ou s'il n'est pas gros. Mmh. Si la personne, elle est grosse, c'est normal, elle va se dire, bon, bah écoute, pour avoir une bonne silhouette, je vais faire un régime. Mais si la personne, elle est mince, ça va... Oh, tu sais que tu me coupes les auditeurs ? Ah, c'est Olivier, sans le faire exprès. C'est Olivier, ça. Olivier. Sans le faire exprès, là. Ouais. Mais elle est là. Olivier. Elle n'en rate pas une, lui. Allô ? Oh là là, Là, il va pas falloir s'amuser à couper les gens comme ça maintenant, hein. Là, c'est clair. Je suis d'accord avec toi, Gérard. Alors, vas-y. C'est à moi que tu veux parler? Oui. Bah oui, ça oui, bah donc pas, je te disais, dans ce que je t'ai déjà répondu, mais c'est moi que tu parles. Il a pas écouté. Ah ouais, oh là là, mais vous avez fermé votre gueule derrière un peu ou quoi là? Fuck my wife. Ah, mais si on ferme ma gueule, après on va pas talk parler. To me. What the fucker. Manu, ouais. Tu me gères les trois là, ça marche. Qu'on explose leur boîte à caca. Je crois que lui, il va faire boîte à caca dans son lit. Oh là là, oh le Larsen, oh, là là. Oh le Larsen. C'est quoi? Allô? On dirait malade en... Allô? Oui. C'est bon. Ouais, on va y aller. Alors donc, moi je peux dire une chose, c'est... si... Ah, Manu, on y va, Manu. Manu est dans les problème. Allô? On y va. Salut pour Manu, ça va? Ah, on va y aller, ça va bien les enfants. Ah, sur quelle ligne, Manu? J'explique, je suis sur la ligne 3 et je passe à l'antenne quand je brief les auditeurs. Ah, c'est bon ça. C'est sympathique. Oui, Fenn, bonsoir, tu veux parler de quoi? Bah, j'aimerais bien participer au débat de Gérard. Non, mais place. Dis pas, y a pas de problème. Allez, on y va. Ok, je te mets en attente et voilà. Puis on va y aller, ok. C'est gentil. Ok. Bon, alors, je pense que tout le monde... Oh, ça suffit là, celui qui dit mon pote parce que tu as dégagé, toi. Donc, y a la question, tout le monde a répondu, moi je vais répondre. De manière, c'est vrai que pour faire un régime pour garder son copain ou sa copine, de manière, la nana, elle est comme elle est, le mec, il est comme il est, et c'est tout. Mmh. Moi, je peux rien dire d'autre parce qu'il y a... Y a... Parce que t'es mal. Oh, mais Manu ! Attends, justement, on va essayer de changer la ligne. Allô ? Oui. Je te rappelle sur une autre ligne. Hein. Ok, okay. Y a pas de problème. Ah, c'est la galère, ça. Tu vois, et là, ça marche. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Gérard, oui. Sur IRC, on a dépassé les 9000, on est 9422. Bravo. Bravo, bravo. Clap, clap, on applaudit. Il y a Yankee qui te demande si tu as fini ton régime d'intelligence. Ah mais ça, il y a de toute manière, on n'a pas besoin de faire un régime pour être intelligent. Et il y a un truc, justement, je sais pas si les gens ont pu le regarder, sur une chaîne avec Jean-Luc Delarue, dans Ça se discute, il y a à peu près deux semaines ou trois. Je sais pas si Pitbull Mystère pourra me confirmer la date. Allô? Ouais, mais écoute, je sais pas, moi je te connais pas, donc je vois pas pourquoi tu me parles comme ça. Ouais, non, je te connais pas, attends, toi tu vas voir tout à l'heure, j'ai te chauffé. Gérard, justement, il y a Jupiler sur le Minitel qui habite dans le département 1 qui dit: moi j'ai perdu 35 kilos en 35 heures. Non, mais attends, parce que là, c'est vrai, attends, 35 kilos en 35 heures, attends, là pour l'instant il est en train C'est balèze. Ouais, non, mais. C'est la 35 heures. Là, je crois qu'il va un peu loin. Non, mais pour dire que il y a un reportage qui a été diffusé sur avec Delarue, avec Jean-Luc Delarue, justement sur l'obèse. L'obésisation. Sur les obèses. Ouais. Et il y a une nana qui faisait plus de 110 kilos. Oh là là, plus de 110 kilos en espace de. Elle est pas à l'antenne. Si, on est toujours à l'antenne, Rigo. Non, mais... Et en espace d'un mois, je crois qu'elle a dû perdre 30 kilos. Et par contre, pour terminer là-dessus... Et comment elle a fait pour perdre justement tant de kilos? Ça dépend ce que tu manges. Si tu veux pas manger, c'est ton problème. Tu peux manger tu peux éviter de manger des matières grasses. C'est souvent... Manu, tu peux parler moins fort, s'il te plaît, ça me prend moins d'écho dans mes oreilles. Donc, tu peux éviter de manger des matières grasses. Ouais, tu peux manger. Tu peux manger uniquement que des crudités, c'est-à-dire salade, carottes râpées, même betteraves à la rigueur, voire. Salade, endive, je précise tout ce qui peut se faire au régime. Batavia, Scarole. Oui, ben c'est bien, continue de préciser les marques. Et par contre, pour en terminer là-dessus. Et les carottes, ça donne les cuisses roses aussi. Oui, ben c'est vrai, et puis ça rend aimable, donc toi, tu ferais mieux d'en manger pas mal. Plutôt toi, Non, mais moi, j'en mange souvent des carottes, lui, il n'en mange pas beaucoup. Donc pour en terminer là-dessus, et on va revenir vite peu bien fait sur un débat qu'on avait fait avec Bill Clinton et puis l'affaire Monica Lewinsky. Et à cause de... Parce qu'elle a perdu les débats, elle a perdu son procès. Tu sais combien qu'elle a repris de kilos, Monica Lewinsky? Non. Elle a repris 30 kilos. Oh là là, la grosse vache. C'est quand même la pipe, hein. Donc alors, la deuxième question... Avant, excuse-moi, vas-y Rigo. GG, sur le Minitel, il y a Pitivier qui demande... Non mais attends, sur Minitel, je m'en fous. Si Big Bill va faire un régime. Alors... C'est vrai qu'il est gros, Big Bill. C'est vrai qu'il est gros, Big Bill. Il parle de Big Bill ou de Big B? Merde. Big Bill ou de Bibi? Non, Big Bill. De Big Bill. Je sais pas. Big Bill quand même. Je sais pas s'il prend un régime, le Big Bill. Oui. Donc Gérard, il y a Snooze sur l'IRC qui te demande: qui sur Terre a fait le premier régime? Oh là, c'est une question... les singes. On descend des singes. Il y avait des diététiciens pour les singes ou pas? Non. Manu? Non, bah rien. Non, je croyais qu'on avait un autre auditeur, non? Non. Non, bon, donc deuxième question. Oui. Je voulais te demander, est-ce que toi tu fais un régime? Non, moi je fais pas de régime parce que je suis depuis. T'es beau déjà. Depuis que je suis né, j'ai pourtant je suis un gros mangeur, mais bon, j'ai jamais de cul. J'ai jamais pris de poids et je suis bien dans ma peau. Je fais 60 kilos, donc c'est mon poids idéal. Ah, mais tu ne trouves pas que c'est un peu beaucoup quand même, non? Non, 60 kilos pour 1m70, pour 38 ans, je pense que c'est largement suffisant. Ouais, t'es tout sec, hein. Ouais, mais je suis bien dans ma peau. Gérard, sur IRC, il y a Roadrunner qui te demande si, avec l'arrivée de l'euro, on sera obligé de diviser son poids par 6,5 et dans ce cas-là, on aurait plus besoin de faire de régime. C'est bête parce que cette question-là, c'est une question qu'on allait poser. Alors donc, on lui répondra tout à l'heure à cette personne-là. Ouais. Okay. Donc, alors, comment doit se faire un régime d'après vous? Alors, on va demander à Jerry. Bah écoute, moi, tu connais mon problème. Donc moi, mon régime, il se passe plutôt par en bas, quoi. C'est plutôt, au lieu de limiter ce que je me fais rentrer en haut, c'est plutôt, j'essaye de limiter ce qui ressort en bas, quoi. Mais bon, c'est pas évident, quoi. Hein. C'est pas évident, c'est une situation qui est pas facile à vivre. Ça fait mal au fion, quand même, il faut le dire. Est-ce que ça donc, brûle tu... Voilà, quoi. Moi, je ça conseille à personne de faire ce genre de régime. Au pire, je sais qu'il y a des filles qui se mettent deux doigts dans la bouche pour dégueuler. Ah bah, mais ça c'est donc, vrai, hein. C'est un conseil que je vous donne à toutes les filles. Évitez. Mettez les doigts bien au fond. Ouais, bon. J'en connais quelque chose. Voilà. Non, non, mais moi, je peux vous dire... Non, non, mais attendez. Là, moi, je réponds à ta question tout de suite, Diarré. Je vais te dire une chose, que dans ces cas-là, si les nanas s'amusent à se mettre des doigts dans la bouche pour dégueuler, donc ça sert à rien qu'elles essayent de manger. En fin de compte, la personne, elle va se forcer à manger. Si c'est pour revomir tout derrière, ça ne sert à rien du tout. Bah, voilà. Alors, c'est une bonne diarrhée. Revenir sur le débat... Ouais, ben, toi, tu vas revenir sur... Tu vas aller te faire sauter. Sveltes. Sveltes. Sveltes. Sveltes. Bon, ben, vas-y. Oui. Je sais plus, Gérard, c'était quoi ta question? Oh non, allez hop, je répète pas, terminé pour toi. Au revoir. Moi je te kiffe pas, alors tu dégages, au revoir, salut. Hop, terminé, hop. Ah, ça rentre. Oh non, non! Voilà, Wet Wesher. Ouais. Oh non, attends, Manuel, c'est relou. Ça recommence, hein. J'ai plus de standard, les mecs. Oui, faites bonsoir, tu veux parler de quoi? Oh putain, bon, je te rappelle, j'essaie de t'en rappeler sur une autre ligne. Okay, hey, mais t'arrêtes il passe des coups de téléphone perso. Ouais, je crois que c'est ça en fait, ta copine. Non, mais attends, je crois que t'es en train de t'amuser à téléphoner. Ouais. Ça, c'est pas cool. Alors, what's my share? Ouais, non, moi je crois que pour faire un gym, il faut manger des aliments équilibrés, chips allégés, choucroute allégée, chocolat allégé, fibre. Non mais attends, Wet Wesher. Oui. Déjà le chocolat, je pense c'est déconseillé pour un régime. Hein. Ah mais allégé, non. Attendez. Du chocolat blanc. Attendez. Il y a certains chocolats qui sont faits par pour des régimes, ça c'est vrai. Non, fondu chocolat sans sucre et allégé avec matière grasse en moins. Ah, c'est quoi ce standard là ce soir? Non, de merde, de merde. Comme la sodomie sans tomate. Fais une autre ligne, Manu. Je pense que enfin. Déjà. Oui. Sur IRC, il y a Fesse de Babouin qui te demande combien ça coûte un paquet de Slim Fast. J'en sais rien. Parce que. 30 euros. Ah ben, parce qu'il veut faire, un régime, lui. S'il veut faire un régime, il va voir un médecin et il va lui dire. Hein. Il va voir quoi comme médecin? Un chirurgien? Non, il va voir un médecin normal. Non, il va pas voir de gynécologue. Ouais, parce que les gynécologues, ça s'appelle. Bien sûr. Attention, pour faire maigrir, c'est des maigris. Bon, petit bout de mystère. Oui, alors moi, je pense qu'un régime doit se faire... Tu vois, le matin, tu manges des salades, des carottes, le midi... Pour le petit-déj? Comment? Des salades pour le petit-déjeuner? Non, des petites salades, de la laitue, de la carotte... Mais pas au petit-déjeuner, quand même. Au petit-déjeuner, t'es obligé de prendre des tartines. Hein? Non, mais attendez, déjà, au petit-déjeuner, il y en a qui prennent qu'un café ou il y en a qui mangent des calops complexes. Mais il y en a qui prennent rien non plus. Hein. Voilà, ouais. mais pas de salade, en tout cas. Non, non, je pense pas. Hein. De la salade, non, mais ça dépend, parce que moi, je vois quand... Non, mais attendez. Tu peux manger de la salade. Tu vas pas couper ta salade quand même. Attendez! C'est pas la question de ça, c'est la question, ou alors tu prends des biscottes allégées. Bon, vous attendez? Je sais pas pourquoi la Turpentine sur l'IRC, elle me dit Pitbull Mystère, elle sait bien de quoi elle parle. Bah ouais, mais alors, elle est là, elle! Bah oui! Ah bah elle, sa conclusion, c'est même pas la peine que tu me la donnes, hein. Ça servira à rien du tout. Hein. Ok. Donc, moi je peux vous dire. De toute façon, elle me dit que toi. Ouais, bah mon débat, il aura ni queue ni tête, c'est ça? Non, elle dit que tu pèserais beaucoup moins sans queue ni tête. Ouais, bah alors, elle est tellement con. Elle est tellement con que c'est pareil. Je me fouillais dans mes papiers, j'ai retrouvé ton bac. Bon, ta gueule, toi. Donc, qu'est-ce que je voulais signaler? Qu'est-ce que je voulais dire? À qui c'est que je répondais? À Pitbull, au Mystère, et il y a Westwasser et Jerry, c'est ça? Oui, tout à fait. Oui. Ah, ouais. Là. Donc, il reste... D'ailleurs, en parlant de ça, on va accueillir Body Trainer et aussi Suzy One. Alors, Oui, bonsoir Body Trainer, bonsoir Gégé, bonsoir tout le monde. T'appelles d'où s'il te plaît? J'appelle de Paris. Donc 101.9. 101.9 exactement. Salut Body Trainer. Et le dernier? Bonsoir, c'est Suzy One, bonsoir. J'appelle de Chinatown. Hein? Salut. Chinatown. Ouais, 13e. Paris 13e, moi. Paris 13. Salut Chinatown. Ouais, ben tu me mettras son nom correctement. Hein. Pas de problème. Donc, moi, je pouvais vous dire que quand je rentre, une fois que j'ai fini la... Quand je rentre chez moi, je me tape... Tapin. Non, je me tape une salade de riz tomate au thon et après je vais me coucher. Ah, c'est bon. C'est bon, le salade de riz tomate au thon. C'est bon. Une petite frisée au lardon, là. Ouais, ben, ok. Tous les soirs, quoi. T'as compris l'image ou pas? Ouais, ben, Tony, on t'a bien reconnu. Hein, Tony? C'est pas bon, il est sur la même ligne, là. Ouais, c'est pas toi, c'est ma sœur qui bat les cuisses d'un catcheur à 90 à l'heure sur un vélo moteur. Oh, il est chaud, Gérard. Hein? Oh, il est chaud. Et tu laisseras le bâton après, ok? Il est fort. Alors, donc... Il a tassé, là. Hein. Je suis bien content que tu m'aies accepté, mon pote Gégé. Ouais, ben, alors, Tony. Gégé. Alors, Tony, maintenant, tu réponds. Ouais, Attends, petite... Des loups et de loups. Alors, Tony, ok. Alors, bien content, mon pote, GG. Petite boule mystère. Oui. Donc, pour toi. Bah, je sais pas, mais là, je dois aller au petit, petit coin. Alors, si tu pouvais répéter la question. Ouais, bah, ok. Alors, mon petit coin, t'as déjà répondu. Tony. Non, voilà. Tu l'as. Répète-moi la question, mon pote. Oh. Moi, j'ai pas de pub, c'est pas cool. S'il te plaît. Des moules, des papiers brossards, l'autre. Oh, ça y est, vous vous calmez, là. Répète la question, s'il te plaît. Alors, comment doit se faire un régime, d'après vous? Ouais, les régimes, en fait, il y a des régimes caloriques. Ça dépend des personnes. Il y a certaines personnes qui doivent manger certaines. Ça va être un peu technique. Est-ce que tu veux que je te raconte? Non, attends. Calorique, c'est dans Astérix. Oh, mais s'il vous plaît. Écoute, Goldo, tu fermes ta gueule et tu me laisses parler. Ouais. Alors là. Pour calmer le débat, je voulais juste dire à Roadrunner que Suzy One, c'est pas la sœur de Davy One. Ah bon, ben, c'est pas mal. Voilà. Manu, s'il te plaît. Manu. Ouais. Manu, t'essayes de me gérer le Goldo et le Tony, parce que là, ça commence à bien faire. Goldo, il est pas là, je gère le Tony. Bon, tu le gères un peu, lui. Hein. Alors donc, on va attendre. Le Benado sur l'IRC qui dit que le mieux pour maigrir, au téléachat, il a acheté un Sandy Trainer. Et apparemment. Non, un Bunny Trainer. Et il a perdu 28 kilos. Non, mais je sais pas s'il est. Faudrait. Justement, le truc qui est là, c'est de savoir si vraiment les trucs qu'ils font voir à la télé, là, les Bunny Trainer, tout ça, les trucs de ceinture, les trucs de ceinture, savoir si vraiment ça fait maigrir. Moi, je pense pas, à mon avis. Hein. Le Muscle Plus 4000. Ouais, je pense pas. Ça marche comment, ces bécanes, là? Non, mais c'est un truc que tu dois pédaler. Ça peut être comme un genre de rameur que tu dois tirer constamment. Oh là. C'est comme un genre de... Oh Olivier, s'il te plaît. C'est fini, ouais. Mais c'est pas lui. Punaise, mais j'aime pas ça. Hein. Et Gérard, les trucs là, tu sais, où tu mets les ronds, là, où tu te colles les ronds et on envoie de l'électricité, c'est ouais, quoi? Ouais, non, mais ça, c'est... C'est de la merde? Ouais, mais ça, c'est pareil, ça te fera pas maigrir. Hein. C'est des trucs, je sais pas, pour garder la forme, c'est comme les systèmes de petites pilules, là, qui vendent, que tu vois, là, tout le temps dans les magazines. Pour mincir pour l'été, acheter ceci, cela, ça vous coûtera moins cher, en fin de compte, c'est de la saloperie. Ouais, c'est de la saloperie. Troisième question avant qu'on mette un disque, ouais. Ouais, ou on met un disque avant et puis on fait la troisième. Non, vas-y, pose la question. On pose la question. Alors la question, Tony, s'il te plaît, tu t'écrases quand je parle. Non, c'est pas lui. C'était pas Tony, là, c'était Body Trainer. Ouais, ben... Excuse-moi, Gérard, excuse-moi. On se calme. Oui, tout donc, fait. Juste avant de passer le disque, on va demander à Petit Rigo de me donner la position, si on a essayé, si on a... J'espère qu'on va atteindre les plus de 10 000 personnes ce soir. Ah ouais? Alors, vas-y, petit Rigo. Alors, j'y vais. Ok, pas de problème. On est 9213. Je remercie monsieur Régime de cette précision. Eh ben, 9213, et tout à l'heure, on était 9422. Et sinon, sur l'IRC, il y a toujours un mec qui s'appelle Arnett qui dit qu'il bande grave pour toi, Gérard. Ouais, ben, je m'en fous. C'est faux! Alors, la question, peut-on faire du sport après un régime? Et on va s'écouter les BM allégés avec Fais-moi cramer l'anus. Y a pas de problème. Avec du plantafin. Et on se retrouve tout de suite après sur la suite des débats. Et vous êtes toujours sur Fun Radio 101.9. Et vous pouvez toujours nous appeler au 0803-08-5000. À tout de suite. Et voilà, c'était mon pote DJ, les BM allégés avec Fais-moi crâner l'anus avec des plantes à pain. Et ça, ouais, c'est un tube. Ouais. C'est un tube qui va rentrer dans... Qui est dans le Ricky Larsen show. Qui est dans le Ricky Larsen. Le classement. Et vous pouvez, bien sûr... Allez-y, voter, parce que là, je crois que... Comment on fait? Vous faites www.fr, Ricky Larsen. Je pense que Rigo va vous en dire plus tout à l'heure. Ouais, donc c'est sur le site de Fun Radio, www.funradio.fr. Vous allez dans Staff, puis dans Max, et il y a un petit truc Ricky Larsen Show. Vous cliquez, il y a 5 votes. Chaque vote donne de 5 à 1 point. Voilà, donc votez pour vos morceaux préférés. Et votez pour François Valéry, mon pote le DJ quand même. Et le lundi, voilà. Entre 23h30 et minuit, Ricky Larsen pour le Ricky Larsen Show. Ouais, avec le classement. Le classement et les 3 premiers morceaux dans leur intégralité. Voilà. Et donc, j'espère que vous n'allez pas me laisser dans les pâquerettes. Donc, pour ça, donc vous êtes toujours sur Fun Radio. Donc, vous pouvez toujours nous appeler. Tony, s'il te plaît, merci. Ouais. Donc, vous pouvez toujours nous appeler au 0803 08 5000. Donc, il y a Manu et Apolline qui sont là au standard. Qui est revenu, qui va essayer d'appeler. Ça va aller. Et les émetteurs, alors rapidement, parce qu'on va continuer le débat. Là, et puis toujours 3615 Scotland Radio, rubrique directe. Il y a plein de connectés, 20 connectés. Ils sont tous là parce qu'ils aiment ton débat et ils trouvent que c'est vachement intéressant. Ouais. Et ils apprennent plein de choses parce qu'il y a beaucoup de gros sur le Minitel ce soir et ils ont envie de maigrir grâce à toi. Et donc, toujours Rigo que je viens d'annoncer sur le site internet. Et donc, on continue. Donc, alors, la question c'était peut-on faire du sport après un régime, on va demander ça à Thierry. Ouais, écoute, moi, tu connais toujours mon problème, donc. Le problème, c'est que je peux pas faire de régime parce que j'ai quand même tendance à courir avec les fesses un peu serrées, vu ce qui m'arrive. Mais des couches, baisse ta radio. Donc. Celui qui a la radio derrière, s'il vous plaît, vous la baissez parce que là, c'est pas bon. C'est du Larsen. Ok, alors donc Jared, toi alors je te disais, c'est pas évident de courir quand tu t'es tapé quelques heures de trône juste avant, c'est pas évident de courir, donc pour moi le sport c'est négatif quoi, à part, je sais pas, le ping-pong ou les fléchettes, c'est chaud quoi. Non mais il y a d'autres sports que le ping-pong et les fléchettes. Ouais, mais il y a des sports où t'es pas obligé de courir et de bouger les fesses, parce que moi je suis irrité du derche, vous êtes pris de pas vous moquer. Ouais, non mais on le sait, bon bah d'accord, mais non mais moi je peux te dire qu'il y a d'autres sports que t'as pas besoin de bouger les fesses, hein. Attends, l'amour. Faut quand même pas déconner, attends, hein. L'amour, comment tu t'enquilles, c'est comment? Comment tu veux te faire choper si t'as les fesses toutes rouges? Oh là là là là. Donc, le Larsen. Bon, Tony. Tony, baisse la radio. Non, c'est pas moi, hein, je te promets. Hein. Bon, vas-y. Ouais, mais le problème, c'est que j'étais. Attends. Attends, tu vas pas me dire que t'étais hors antenne, parce que là, je vais te dire une chose, si t'étais hors antenne, tu vas y rester, on va prendre quelqu'un d'autre à ta place. Non, mais c'est vrai en plus, hein. Non, mais on répète pas les questions. Non, moi je répète plus les questions. Là, il est 2h20. Moi, je répète plus les questions jusqu'à 3h. Gérard, pour calmer le débat, il y a Snooze. En fait, son chien, il lui demande s'il peut faire un régime comme les hommes. Ça dépend de la nourriture qu'elle lui donne, hein. C'est tout, hein. Parce qu'un chien, je vois pas comment qu'il peut faire un régime, hein. C'est à elle de voir ce qu'elle lui donne à manger, hein. Okay. Parce que je vois pas trop le rapport avec les régimes. Donc, Je vais attendre qu'il me réponde. What was cher? Est-ce qu'on peut faire du sport après un régime? Je dirais ça dépend quel sport. Parce que par exemple, si t'es sumo, je suis sûr que tu sais ce que c'est un sumo. Ouais, mais ça, ouais, et mais. Et si tu perds plein de poids, ben hop, tu peux plus faire sumo. Ta carrière est brisée parce que t'as fait un régime. C'est ça que tu veux? Non, mais attends, parce que c'est vrai que c'est un sport de Chine, ça. Faut voir les personnes. De toute manière, je pense pas qu'ils pourront faire un régime vu le poids qu'ils ont, hein, parce qu'ils atteignent plus des 150 kilos. Hein. Ils font exprès de manger pour être gros. Ah, je sais pas, ça faudrait si, essayer. Pour le sport. Non, mais faudrait essayer de voir quelqu'un. C'est dommage qu'on n'a plus NJ, parce que NJ pourrait nous le dire. Ah merde, ouais. Donc, voilà. Petite boule mystère de mes deux. Merde, pardon. Merci de déclencher mon nom, c'est sympa. Petite boule mystère 4. Oui, écoute, pour faire un sport après un régime, non, je pense pas, mais pendant que tu fais ton régime, oui, tu peux. Ah bon, voilà, tu m'en. Tu peux aller dans une salle de sport, faire des exercices, tu vois, ne serait-ce que pour éliminer un peu de la graisse que tu peux avoir. Alors, tu peux préciser le sport? Je sais pas, ça peut être des abdominaux, ça peut être, je sais pas moi. Des dominos aussi. Je m'y connais pas beaucoup, donc je peux pas. C'est pas des dominos? Non, hein, des dominos. Ouais. Je sais même pas ce que c'est que des dominos, alors là. Oh là là, mais t'es vraiment cloche, hein? Ouais, je sais pas dire. Heureusement pour moi, hein. Épouse-la. Gérard, oui. Sur 5 minutes, s'il vous plaît. Merci. Le Benado, il dit que si tu veux faire un régime et perdre beaucoup de kilos, t'as juste à larguer ta femme, en fait. Ça veut rien dire. Tu vas perdre 120 kilos d'un coup. T'as pas besoin de perdre du poids pour larguer ta femme, hein. Je peux le confirmer. Qui c'est qu'on a en dernier, là? J'ai pas eu le temps de marquer son nom, Manu. Quoi, en dernier quoi? Le dernier auditeur après petite boule mystère de mes deux là. On a Wet Watcher, Diarré, Body Trainer et Monsieur Tony. C'est Tony, Body Trainer. Non, Body Trainer c'est moi là, c'est pas Tony là. Bah donc c'est y a Tony. Body Trainer et Tony. Voilà. C'est deux personnes différentes. Comme les deux. Parce qu'ils sont tous les deux. Oh là là, oh. Oh là là. Si vous êtes à deux à parler au téléphone, mais c'est non, on s'est débrouillé. J'ai fait un business comme ça marchait pas. On peut. Ouais. Alors donc, Bonnie Trailer. Bonnie Tyler. Bonnie Clyde Trailer. Ouais. Je pense qu'il est tout à fait possible de faire du sport après un régime. Comme ça permet de modeler ton corps. Ouais, mais tu peux préciser quel est le sport? Tu peux faire du body training par exemple. Tu sais ce que c'est, Gérard? Ou de l'électrofac. J'en connais un tout à l'heure, il va se prendre un agenda dans la tranche. C'est diarrhée, mon pote GG, c'est diarrhée. Ouais, je t'écoute. Non, mais c'est diarrhée qui a dit des conneries, là. Okay. Ah bon, bah alors diarrhée, tu vas aller voir Manu au standard. Gérard, c'est pas très bien de foutre le bordel dans les débats, GG. Ouais, bah diarrhée, tu vas voir Manu. Par celui-là, laisse tomber. Voilà, hop. Donc, il y a DeviOne sur l'IRC, il demande comment font les gros pour faire un régime, vu qu'ils sont tellement gros, ils voient même pas le poids sur leur balance à cause de leur ventre. C'est comme pour pisser, comment ils font pour pisser s'ils voient pas. Non mais si, ils arrivent quand même à pisser, faut quand même pas déconner. Ils arrivent quand même à voir leur poids sur leur balance, c'est pas parce qu'ils ont un gros ventre qu'ils vont pas voir leur poids. Attends, là faut quand même pas déconner. T'es con quoi. Non mais là, sa question IRC, elle est complètement con. Donc, quatrième question. J'ai oublié d'y répondre à celle-là, parce que si je réponds pas, après, on va me dire « Ouais, tu réponds pas aux questions. » Ouais, tu réponds pas. Ouais, tu réponds pas aux questions. Donc, peut-on faire du sport après un régime? Moi, il y a un sport qui est vachement bien à faire pour ceux qui ont envie de perdre du poids. C'est du vélo sans selle. Hein, c'est quoi ça, Gérard? Ben, c'est un vélo qui a pas de selle. Et ça sert à quoi? C'est quoi comme petit perdre du poids avec ça, tu vois? Mais t'as pas besoin de lever ton cul. Ouais, mais c'est tu quoi, restes, ça tu restes, ça, non ça tu restes debout et tu pédales. Ça muscle que l'anus, ouais, ça muscle non, rien. Non, mais ça te muscle tous les gens, tout le corps. Donc voilà. Alors combien de kilos perd une personne qui fait un régime Juste avant de répondre à cette question, on va accueillir Olbran à la place de Diarré. Alors, Paul Brand, bonsoir. Bonsoir. Et t'appelles d'où? J'appelle de Tours. Fréquence 108.2. Salut Paul Brand, je kiffe les céréales. Oh, bonsoir. Tu te tais, toi, s'il te plaît, derrière. Merci. Eh ben, Paul Brand, justement, ben, la question, c'est combien de kilos perd une personne qui fait un régime? Oui, ça dépend ce qu'elle mange. Ouais. Donc, si elle mange des chibres, elle grossit plus vite que si elle mange des patates, c'est sûr. Non, mais juste. Comment? Oui. Tu aimes le chibre, Gérard? Non, attendez, avant que tout le monde réponde, justement, on vient de me donner un sondage. Donc, avez-vous déjà fait un régime? Alors, 40% répondent oui, 30% ne s'en rappellent plus, 26% ne peuvent pas en parler, donc, et 10%, ils sont allés en scooter des mers. Qui c'est qui me sort des conneries pareilles hein. Ah, bon. Ah, dans cette source sûre, je les ai trouvées dans des livres. Ah ouais, mais alors là, parce que spécial pour les régimes. En ouais, plus. Ben là, je vais te dire une chose. Donc, je vais avant que tout le monde réponde, je vais quand même faire le deuxième parce qu'on me le donne que maintenant. Donc, le deuxième, qu'aimez-vous trouver dans un régime? Donc, 42% des gens y aiment le fait de maigrir. Alors là, Bah si. 23% des gens y aiment le faire de grossir. 15% aiment trouver des idées de recettes. Et 9% aiment quand c'est gratuit pour les veaux. Alors là, je te dirai une chose à Pauline, c'est la dernière fois que tu vas me sortir des conneries comme ça parce que c'est de la merde. Ouais, mais Gérard, j'ai trouvé dans un livre. Ouais, non, mais attends, 9%. C'est à l'éditeur qu'il faut te plaindre, c'est pas. Non, mais 9% aime que c'est gratuit pour les veaux. Dans ces cas-là, pourquoi mais non, pas. Mais c'est parce que non, mais pourquoi pas la vache? Pourquoi pas la vache ou le taureau? Pourquoi pas la vache ou le taureau? Pourquoi les veaux? Alors, Gérard, sinon pour reparler de régime, il y a Yankee qui te dit que si tu veux perdre quelques kilos, t'as juste à te laver. Non, c'est vrai que il y a des trucs de thalasso thérapeutique qui sont justement pour des personnes qui sont assez obèses et ça c'est vrai que ils vont dans de l'eau et dans des bains de boue. Non, mais lui il me dit que toi pour perdre quelques kilos t'auras juste besoin d'une bonne douche quoi. Ah non mais moi je vais te dire une chose que je suis bien comme je suis. Ça y est. Ouais. Yeah, parce que sinon, ça va être là-bas que tu vas te retrouver. Hein. Moi, j'ai fait. Non, mais ça y est. Oh. Non, moi, je dois partir à la montagne. Non, mais moi, je suis parti vers 17h. Ouais, en fait. Ah Non, Gérard. Gérard. On continue le débat. Alors, la question, combien de kilos perd une personne qui fait un régime? On va demander ça. Gérard, on a dépassé. Ah non. Non. Ah putain, y a cru. 9990. Combien, Hugo? 9997. Voilà. Ouais, comme la semaine dernière. Comme la semaine dernière. J'ai cru. Enfin, franchement, excusez-moi. Non, mais il reste encore une demi-heure, donc d'ici une demi-heure, on pourra. Ouais, facile. Donc, alors, Holbran. Oui. Donc, pour toi. Je pense qu'elle peut perdre de 1 à 10 kilos facilement. Oh là là, le narcène là. C'est toi, je crois que t'as fait un truc en virant. C'est en débranchant le casque de Manu. Alors donc, pour toi, c'est en perdant 1 à 10 kilos? Ouais, à peu près. Ouais, mais tu crois qu'en perdant, combien de kilos perd une personne en faisant un régime? Donc pour toi, elle perd 10 kilos comme ça, comme ça. Ouais. Non mais... Ouais, mais ça dépend ce qu'elle mange. Si elle mange presque pas, elle va perdre plus que ça. Mais c'est ce que je te disais tout à l'heure. Il vaut mieux manger des fibres plutôt que des patates. Qui c'est qui a un portable? Ah, c'est pas moi. Qui a un portable? Qui a un portable? C'est pas moi. Changer, t'as un portable. Il y en a qui va jarter, là. C'est clair. Il y en a qui vont jarter avec les portables. Ah, c'est clair. Alors, Tony. Ouais, bah, ça dépend des sports pratiqués, je suis d'accord avec Holbran. Je te parle pas du sport, je te demande combien de kilos perd une personne en faisant un régime. Alors, tu réponds correctement ou sinon tu gerbes. Excuse-moi, j'étais à la question précédente. Les kilos perdus, ça ouais, dépend des régimes. Parce qu'il y a des régimes végétariens, des régimes, je crois, à base de viande. Il y a encore du larcène. Et en fait, ça dépend. Je crois que les régimes à base de viande sont plus amaigrissants que les régimes à base de légumes, poisson. De patates, de poissons. Merci, mon pote Fildar. Et tout ça. Mais il y a de l'arsène, c'est la folie. Hein. Je crois que... Allô? Oui? C'est qui, Manu? Il est où, là? Ça, c'est Fildar, ça. Bon, moi, non, je non, là... Moi, je dénonce parce que je suis grillé à mort. C'est Fildar, ça. Sur une bande, sur DAT. Celui-là, on s'amuse pas, là. Bonny. Ah bah ça doit être lui. Wetwasher. Ouais. Oui. C'est pas la peine de le rappeler, hein. Non, laisse tomber. Wetwasher. Oui, alors quand on fait un régime, on perd 6 kg 350, quel que soit le régime. Non mais attends, mais précise là, parce que je comprends pas là. Tu dis combien de kilos on perd en faisant un régime? Alors je te dis, on perd 6 kg 350 grammes. Et si je perds plus, tu refais plusieurs fois ton régime. Non mais attends. C'est faux, on me dit que c'est faux. 375 peut-être, hein, je suis pas sûr, à 10 grammes près c'est ça. Hein. Mais non mais attends, déjà ça dépend ce que tu manges, tu vas pas me dire que tu vas perdre 6 kilos 350 en espace d'une journée. Sur IRC, il y a Snooze qui me dit, il a raison, 1 kilo de perdu, 10 de retrouvé. Ouais, mais ça fait comme une de perdu, 10 de retrouvé, c'est ça aussi. Ah mais c'est possible hein. Oh tais-toi toi. Toi, tu fais combien toi? De quoi, en quoi? Tu pèses combien? 60. 60 kilos, mon cul. C'est du poulet. Petite boule mystère 9. Ouais, bah je pense que combien de kilos? Bah peut-être de 1 à 10 ou de 1 à 30, je sais pas, hein, ou ça peut être de 1 à 50. Hein. Non, mais attends, et pourquoi pas de 1 à 999? Bah écoute, tu me poses une question, moi je te réponds. Hein. Eh ben alors? Hein? Alors attends, là, celui-là, c'est qui ça? Celui-là qui vient de dire ça. Il y a la sonnerie après. C'est bon, je l'ai trouvé. Ouais, bah tu me le gardes. Tu me le gardes hors antenne, celui-là, je me l'occupe de son matricule. Garde-moi le bien au chaud. Allô? Ouais. Arrête, Manu. Allô? Je t'écoute. J'aimerais bien que la personne qui me met hors antenne arrête. Ouais. Hein? Tu peux pas travailler. Parce que là, ça bien faire. Hein. Je suis d'accord avec toi. On peut pas travailler. Parce que moi, je sais plus si je suis à l'antenne ou si je suis pas. Non, mais là, t'es à l'antenne. Voilà, donc te plains pas. À l'antenne, ma biche. Donc je suis à l'antenne. Ouais. Donc la question c'était combien de kilos qu'on peut perdre, c'est ça? Voilà. Bah écoute, moi je te dis, ça peut être aussi bien de 1 à 30 que de 1 à 90 ou de 1 à 50. Hein. Mmh. Tout dépend de la personne, si elle a besoin de perdre beaucoup de kilos ou si elle n'a pas besoin de perdre beaucoup de kilos. Voilà. Ouais. Mmh. Okay. C'est tout ce que j'avais à dire, quoi. Ben moi je pense que combien de kilos perd une personne en faisant un régime, justement. Tu peux répondre aussi? Qui? Body trainer. Non mais attends, toi je crois que je t'ai dit au revoir. Mais pourquoi? Mais j'ai rien fait moi. C'était pas lui, c'était Wetwatcher, excuse-moi, je te l'ai pas dit mais je l'ai viré Wetwatcher. C'était lui le Larsen. Bon. Ah bah tu vois Manu. Allô. Bon, alors Manu. C'est pas moi là. Oh là là, GG, tu fais des blancs pas possibles. Ouais, Gérard, là, faudrait peut-être me gérer un peu mieux ça au standard. Hein. Ouais, parce que tu fais trop de blancs, hein, Gérard. Ouais, c'est ça. Trop de blancs. Voilà. Non, mais ça y est, toi, allô, maman, ici, bon, bébé, bon, alors bonne nuit. Quatrième, cinquième question. Gérard sur IRC pour. Maman. C'est qui sur IRC? C'est Pingouin. Ah. Vas-y, j'écoute. Il dit qu'on peut perdre jusqu'à 125 kilos par kilo. Non. Ah, si. Ah, si, je suis désolé. Hein. Oh, toi, depuis que je te connais, t'as perdu 11 kilos. Hein. Alors, tais-toi, toi. Bah alors. De qui tu parles? Ça devait être chaud avant. Ouais. À quel âge peut-on commencer un régime? On va demander à Holbran. Tu peux commencer dès ta naissance, en fait. Ouais, non, ça c'est abusé parce que vous allez parler de la misère en Afrique et ça passe pas à cette heure-ci. Mais non. Non, mais attends, il y a quand même un respect vis-à-vis du public. Ah, mais Gégé, on t'entend plus là. Non, mais je suis là, il est parti, je sais pas ce qu'il fout. Holbran. Holbran. Holbran. Vos gueules un peu, les mouettes, blalé goéland. Allez, on reprend le débat là, Gérard. Alors. Manu. Oui, je voulais dire qu'à la place de Wet Watcher, on accueille Bifidus Actif. Quoi? Oui, allô, Bifidus. Bifidus. Ouais. Actif. C'est ce qu'il y a dans les yaourts, tu vois. Ok. Actif. T'appelles d'où? J'appelle de Paris, 101.9. 101.9, ok. Donc, la question, c'est à quel âge peut-on commencer un régime? Bah, dès ton plus jeune âge, hein. Allô? Oh, mais ta gueule, toi, espèce de connard! Ah, ça m'aura pas fait plaisir, hein. Putain, mais ça commence à bien faire, là, vous avez... Là, ça commence à me casser les couilles, alors le débat, il va se terminer dans moins d'un quart d'heure, hein. Eh, ça va foirer. Alors, vous vous calmez, maintenant. Ouais. Et Manu, tu vas me servir ça comme il faut. D'accord, parce que sinon, je vais mettre à côté. Ouais, sinon, je vais t'en coller. Mets les doigts, hein. Ah, ouais, Holbran. Prends un sac. Oui. Prends un sac avec le ta nouveau... Ta gueule, toi. Le nouveau logo Fed. Bon, alors, Tony, au revoir. Hop. Salut, Tony. Gérard, pour calmer le débat, il y a beaucoup de gens sur IRC qui me disent que le meilleur moyen de maigrir, c'est de faire l'amour. Qu'est-ce que t'en penses? Il y en a qui arrivent à maigrir en faisant l'amour, mais je sais pas si c'est une bonne recette. Ouais, mais justement, il y en a qui ne transpirent pas en faisant l'amour, donc ils maigrissent pas, en fait. Mais attends, je vais te dire une chose, que le mec qui arrive pas à transpirer en faisant l'amour, je vais te dire une chose que j'en ai pas encore vu. Hein. Ta gueule, toi! Tu transpires ou pas? Toi. Je répondrai pas à ta question de merde. Holbran. Attends, c'est Manu. Non, c'est pas moi. Oui. Oui, Gérard, je suis là. Holbran. Oh. Oui. À quel âge peut-on commencer un régime? C'est la dernière fois que je répète tes questions. Mais Gérard, j'étais hors antenne. Oh là là. Bon, j'ai Bifidus. Voilà, c'est pas possible. On s'en fout. Gérard. Vas-y, prends Bifidus. Bifidus. Holbran, si tu me kiffes, je t'emmerde, ok? Alors, tu vas te. Attends. Bifidus actif. Je te kiffe. Moi, l'anus, activement. Bon, allez hop, celle-là c'est terminé, Holbran, pour toi. Allez, au revoir. Allez. Au revoir. Ça va vite. Alors, Bifidus. Bon, tu peux répondre, c'est Bifidus. Alors, moi je dis que. GG. Il a rien fait. Oh, tu tiens au sol là ou quoi là? Qu'est-ce qu'il a fait? Je peux pas en placer une. Bon, c'est pas grave. On peut pas s'exprimer. Vas-y, en complément là, pro. Bon, Tony, tu fermes ta gueule, je te dis de dégager. Je l'ai calmé. Non, il dégage. Mais c'est bon, Gérard. Bon, alors là, c'est Body Trainer. J'ai toujours pas répondu à une question depuis que je suis dans le débat. Hein. Bon, Bifidus comme ça. Bifidus. Alors, je t'écoute. Donc, les régimes sont pour les gens de tout âge. Moi, je conseillerais tout particulièrement les régimes pour les personnes âgées. Mmh. Parce qu'il faut quand même voir que les personnes âgées, elles ont des problèmes d'incontinence. Donc, logiquement, moins elles mangent, moins ils vont se faire pipi et caca dessus quand même. Donc, je leur conseille des régimes. D'accord. Voilà. Bonny Trailer. Ouais, donc je pense que tu peux faire un régime à partir de 5-6 ans. Trop jeune. Ah non, à 5-6 ans déjà. C'est trop jeune, hein. Ça fait ah, mais attends. Vrai, c'est vrai. Attendez. Gérard, il est d'accord s'il avec vous moi. S'il vous plaît. Bonny Trailer, s'il te plaît, il y a une question IRC en priorité. Oui. Belge Boris qui dit que. 85% des gens pensent qu'un régime de 35 heures est utile, mais il faut faire attention à l'aérophagie. Et 42,3% pensent que tu devrais venir en Belgique pour manger des bonnes frites. Bon, ça, j'ai déjà eu l'occasion d'aller en Belgique. C'est vrai qu'on mange bien là-bas. Et c'est vrai, il y a Turpentine qui me demande si tu pisses toujours sur ta femme. Je vois pas là. Elle ferme sa gueule. Elle est Turpentine, elle est sondée. Bonne trailer. Et l'enduit de caca. Oh là, je sens que le débat, il va se terminer. Je vais te répondre, Gérard. Hein. Il va se terminer vite, fait le débat. Hein. Ouais. À la place d'Holbran, on accueille 0%. Bonsoir Gérard. Salut 0%, t'appelles d'où? Ça va? T'appelles d'où? J'appelle de Lyon. Fréquence 93.3. Alors on nous dit de nous calmer et laisser son derrière. Laisse. Bon. Alors je pense. Sérieux. Nadé, s'il te plaît. Oui. Tu m'envoies la paille avec le disque. Ils vont répondre et puis tu vas me les calmer un petit peu en antenne. Pas de problème. Hein. Donc on va se. Alors toi, tu vas te faire enculer, espèce de PD. Pas de vulgarité quand même, Gérard. Ouais, mais lui, il a pas besoin de balancer la reste. Je l'ai coupé. Manu, je me le casse. Ça y est. Manu, vite, balance le disque, Gérard, vite. Alors, les cochons de Reader Business avec Dodo Party dans les caves de Suresnes. Merci pour... Les débats, pas de radio et pas d'insultes de Gérard. Et voilà, vous êtes toujours sur Fun Radio 101.9 Paris. À Paris, donc vous avez toujours Manu au standard au 0803 08 5000. Et donc on va terminer, j'espère, le débat correctement. Et il y a toujours Rigo sur www.fr. Ouais, et d'ailleurs, j'ai plein de questions. Ouais. Il y a Roadrunner qui te demande si tu vas refaire le même débat la semaine prochaine. Non. Et il y a Yankee qui voulait savoir si... enfin, c'est pas qui voulait savoir, il dit juste que si Sandy avait des couilles, on pourrait la prendre pour Godzilla. Enfin, non, pas du tout. Donc, alors, la question, c'est à quel âge peut-on commencer un régime? Ben, non, mais je pense que tout le monde avait déjà répondu à cette question. Ouais. Ah ben alors, donc... Tout le monde a répondu. Ouais, tous. Alors, dans quel endroit peut-on faire un régime? Cuisine, etc. Ou autre? Alors, dans le McDo. Qui? Body Trainer. Ouais, ben, tu pourrais préciser ton nom bien avant de répondre, si ça te dérange pas, merci. Bah, c'est pas un blind test, c'est bon. C'est non, mais ouais, bah, c'est peut-être un débat, mais dans ce cas-là, lors des débats, tu précises ton nom, d'accord? Ok. Bon, tu réponds. On peut appeler les Drummond là ou pas? Tu réponds, s'il te plaît, Bonnie Trailer, ou sinon je te dis au revoir. Donc, je dis que les endroits pour faire un régime, tu peux aller dans tous les trucs, genre McDo. Ouais. Au lieu de te prendre un cheese, tu prends une salade. Ouais. C'est des trucs bien dégueulasses, genre l'œuf, c'est un tube. C'est bien l'asdeg. Et donc, ça te fait maigrir. Il n'y a pas de problème. Ah ben, parce que t'as déjà bouffé des œufs, toi. Ah oui, j'ai déjà bouffé des œufs. Ouais, d'accord. Pourquoi toi, jamais? Non. Tony? Ah, ça m'étonnerait. Hein. Tony? Ouais. Ouais, il y a des endroits spéciaux pour maigrir. Il y a, je sais pas si t'as déjà mangé de la cuisine indienne, laisse tomber, c'est épicé. Tu perds 5 kilos direct. Ouais, bah, c'est capable de. Ça te fait transpirer. Ouais, c'est des graines d'acajou, je sais pas quoi. Laisse tomber, mon pote GG, n'y va jamais. Ok, 0%. Ouais, Gérard. Bah, moi, un jour, j'ai mangé un couscous avarié à Marrakech. Ah, c'est pas bon, ça. J'ai perdu 10 kilos d'un seul coup. En parlant de ça, GG, si tu me permets... Bon, Tony, s'il te plaît, tu laisses parler 0%, merci. Non, excuse-moi, autant pour moi. Direct. Tony. Ouais, non, mais je te prendrai bien les fesses dans la spoule, c'est tout. Bon, alors, Tony. Non, Tony. Tony. Gérard, il est... Ouais. Non, mais c'est pas très grave. Hein. Tony, tu te calmes, s'il te plaît. Voilà. Sinon, tu vires. Voilà. Ok, alors 0%. Ouais, je te disais, donc j'ai mangé un couscous avarié. J'ai perdu 10 kilos parce que j'ai eu une super gastro de l'année. Et chiasse et vomissement. Ah, c'est pas bon. Non, mais de toute manière, le couscous, ça dépend comment tu le manges. Parce que si tu mets de la harissa dedans, c'est sûr que ça fait épicer comme la cuisine indienne, comme disait Tony. Ouais, mais j'avais dû mettre des herbes tropicales parce que c'était vraiment à chier, quoi. Ouais, d'accord. Bifidus actif. Bah écoute, moi, je conseille à tout le monde de voyager. Les pays d'Asie, l'Amérique du Sud ou l'Afrique, tu chopes une bonne tourista saignante. Et effectivement, là, tu lâches tout. Ok. Pitbull Mashtock. Oui, bah écoute, allô? Oui, on t'écoute. Ouais, moi je pense que tu peux faire un régime dans ta cuisine, mais ce qui est le mieux, c'est de faire un régime dans ta chambre. Non, mais c'est vrai que... C'est ce qui s'appelle du sport en chambre. Voilà. La chaudomie. Ça, c'est très très bon. Tony et... Tony, c'est pas moi. Hein. C'est pas lui, Gérard. Bien, hein. C'est pas moi. La chaudomie champomade. Salut Guy. Doit-on ne plus manger? Doit-on ne plus manger pour faire un régime ou autre? On va demander à Bifidus actif. Un régime pour ne plus manger ou autre? Ouais. Non, moi je te conseille anorexique, c'est boulimix. C'est des personnages de. Tony. Voilà. Non, non, mais il a raison. Non, mais je t'aide. Je t'aide. Tony, s'il te plaît, c'est pas à toi que je m'adresse pour l'instant. Pardon, excuse-moi. Il a tout à fait raison. C'est des personnages. C'est dans un album qui s'appelle La Grande Diarrhée d'Astérix. Et il y a deux spécialistes nutritionnistes qui s'appellent Boulimix et Anorexix. Il a tout à fait raison. Ok. Alors, 0%. Oui, Gérard. C'est dur, hein. Ouais. Non, mais je crois que 0% pour l'instant, je sais pas si tu as envie de répondre correctement aux questions. Ah, mais si, tout à fait, mais là, tout à fait. Si tu as du mal à répondre à la question, tu le non, dis mais tout de suite. Tout à fait, Gérard, non, mais je conseille plutôt aux gens de manger moins plutôt que d'arrêter de manger parce que ça sert à rien de se rendre malade, d'arrêter de manger pour faire un régime. Mais t'as... Non, mais t'as Nat, non, mais moi je peux te certifier 0% que t'en as. C'est quoi ça? C'est vrai? C'est clair. Il flippe. Ah, mais Gégé, on t'entend plus là. Non, mais quand. Fildar! Je le sens que tu as chopé ton agenda dans ta gueule. Ouais, arrête les sons là. Sur IRC, il y a plein de monde et il y a quelqu'un qui me dit qu'en fait. D'après un magazine que je ne citerai pas, qui commence par Fig et qui finit par Arrow, il dit que dans une fusée au décollage, tu perds 3 kilos. Le Figaro ? Non, personnellement. Bien, Fildar, bravo. Espèce de petit con. Là. Voilà. Personnellement, non, tu perds pas 3 kilos. Donc, avant que Tony réponde à la question, doit-on ne plus. Avant que je réponde à la question à 0%, je vais continuer le sondage que j'ai. Alors, d'après vous, qu'est-ce qui manque dans un régime? Alors, 50% aiment y voir du gras, et voir plus de gras. Donc, alors, c'est pas en mangeant du gras que tu pourras faire un régime. C'est pas ça que ça veut dire. Ce que ça veut dire, c'est qu'il y a des gens qui font des régimes, ils aimeraient qu'il y ait plus de gras. Ouais, ben justement. Alors, une personne qui fait un régime et qui veut manger du gras, c'est pas la peine qu'elle passe son régime. Au contraire, faut pas manger gras. Ah. Putain, mais il est complètement... Il y aurait pas un petit problème, par hasard. Ouais. Si. 23% aimeraient qu'il y ait des tonnes de merguez. Ça, je vois pas le rapport avec... Ah, c'est bon, les merguez. Bon, on va t'en foutre de la merguez. Et 10% trouvent qu'il manque de clarté. Donc, voilà. Mais quoi? Alors, trouvez-vous les régimes trop chers? Alors, 61% s'en foutent vu la venue de l'euro. Enfin bref. 20% préfèrent sauter la barrière pour ne pas payer. Ah ouais, c'est bien ça. Ça, non, mais c'est pas mal. toi, tu fermes ta gueule au lieu de parler de Sandy, d'accord? 11% sont fils de patron, donc ne payent pas. Et 2% prennent le forfait zoonophilie. Car c'est moins cher. Oh, bah, et on, voilà. C'est dur, hein. C'est donc, dur de dire, hein. Après, il y en aura un autre, mais on va. Alors, donc, on va. Je vais répondre à la question de 0% sur ce qu'elle me disait. Ouais. Donc, toi, pour toi, c'est quoi alors? Parce que j'ai pas trop. Voilà. Oh là, ah, celui qui se lave les dents derrière, ça commence à me gonfler. Et puis, bah, oui, fort. Sérieusement. Au moins, tombe pas ses dents à lui. Bon, je vais quand même te répéter parce que moi, au moins, je répète. Ouais. Je te disais que ça sert à rien d'arrêter de manger, il faut seulement manger équilibré. Ouais. Non, mais voilà. Non, non, mais c'est sûr parce qu'il y a des personnes qui s'arrêtent carrément de manger pour maigrir. Et ça, c'est pas bon, ça. Non, mais je pense que ça sert à rien du tout de s'arrêter de ne plus vouloir manger pour maigrir. La grève de la faim. Attendez. Il y en a qui font la grève de la faim pour ça, mais moi je pense que c'est strictement. Ouais, mais la grève de la faim, c'est pour d'autres raisons, Gérard. Ouais, mais ça n'a rien à voir avec les régimes. Hein, d'accord. Gérard. Est-ce que tu penses que c'est possible, tu sais, de. S'il vous plaît, 5 minutes. Ouais. Oui, Gérard, je voulais te demander si c'était mieux alors de faire la grève du début. Non, toi, tes questions. Ah, ok, questions... un jeu de mots excellent. Toi, tes questions à ton IQ. Tony. T'es un killer, Berthier. Tony. Ouais. Ok, Michel Tony on parle dessus. Oui, je suis là. Donc, pour répondre à ta question sur les régimes. Moi... Oui. Oh là là. Bon. Non, mais là, il y a des sons, là. Non, mais tu réponds ou pas? Ça, c'est mon pote qui les balance. Ouais, bah alors, Tony, tu réponds, s'il te plaît, merci. Ouais, non, mais je voulais seulement te poser une question, après je réponds. Non, tu réponds avant. Je réponds d'abord. Ouais, mais il faut faire attention avec les régimes, en fait, hein, parce qu'il y a des régimes qui peuvent être très mal supportés par... Parce que tout à l'heure, tu parlais des jeunes enfants. Mmh. Et passé un certain âge, enfin, à un degré inférieur, à peu près en toute l'équateur. Mmh. Demain. D'accord. Ouais, Gérard. À la liberté. Sur IRC, on te demande... Sur IRC, il y a Belge Boris qui te demande... en fait, il a fait un régime de la marque qui commence par Slim et qui finit par Fast. Et il a pas perdu de kilos, mais il a perdu 1500 balles. Donc il voulait savoir si c'était normal ou autre. Non, mais ça, justement, la question est bien, parce qu'en fin de compte, c'est ce que je disais tout à l'heure en début. Mm-hmm. Donc, ces histoires de conneries comme ça, par correspondance, même avec le produit qu'il vient de citer, mm-hmm. c'est vrai que c'est de la merde. Parce qu'en fin de compte, on croit perdre des kilos, mais en fin de compte, c'est faux. Mm-hmm. C'est de la saloperie. Je vais te dire une chose, tu ne perds pas de kilos avec ça. Au contraire, tu crois en perdre, mais en fin de compte, tu vas en reprendre. Mm-hmm. Et donc, les personnes vont dépenser du pognon là-dedans sans arrêt, mm-hmm. et en fin de compte, c'est de la saloperie. Donc, je conseille aux gens, n'achetez pas des trucs par correspondance. C'est tout. Mais pourquoi ? Donc, parce que c'est de la saloperie, tout pas possible. C'est des produits qui valent hyper cher, et tu as dépensé ton pognon là-dedans, donc ça ne sert à rien. Ouais, mais combien ? En tout, si tu l'achètes constamment pendant des mois, je vais te dire une chose, que c'est complètement de la merde. C'est de la merde. Ouais. Ouais, c'est vrai. Alors, Body Trailer. Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi, Gérard. C'est vrai que ces trucs-là, c'est de la merde. Non, mais doit-on ne plus manger pour faire un régime ou autre ? Parce qu'après, on va arrêter, parce qu'il est déjà 3h05. Donc, On continue jusqu'à 3h. Non, mais même, il ne reste plus que deux questions et après, c'est fini. Donc, non, c'est pas bon du tout d'arrêter de manger. Parce que si tu arrêtes de manger, le lendemain. Attends, 5 minutes. Fildar. Fildar. Non, mais moi, je veux pas le savoir. Si tu veux. Il est trop tard. Rappelle demain, ciao. Allez hop. Okay. Olivier, c'est pareil, c'est pas la peine de t'amuser avec un téléphone de merde, parce que ça, c'est un gadget, c'est pas un vrai téléphone. Alors, dégage. Hop, au revoir. Il est gentil, GG, il lui manque plus que la parole. GG, va chercher le gars d'incendie, va chercher. Petite boule mystère. Tiens, je voudrais savoir si toi, t'as utilisé des produits pour essayer de perdre un peu de poids pour ton kyste. Rapporte le god, rapporte. Alors, toi, Tony, dégage, au revoir. Non, bon, au revoir, Tony. Au revoir, Tony. Gérard. Au revoir, Tony. Gérard, sur IRC, il y a Snooze qui demande, il aimerait bien faire un régime, mais est-ce qu'il peut tricher ? Parce que s'il doit se retenir de manger, il y a des jours, il aimerait bien manger quand même, tu vois, il voudrait tricher. Non, mais c'est pas s'arrêter de manger complètement, c'est de faire une chose, c'est de manger normalement, par exemple, des trucs pas trop gras, par exemple, style carottes, salade, ou autre. Mais pas des trucs gras. Parce que ça servira à rien de manger des trucs gras, au contraire. Mm-hmm. C'est en mangeant des trucs gras que tu prendras du poids. Mm-hmm. Mais après, sinon, non mais Gérard, il y a la gaffe sur IRC, après il me dit que tu as des malaises aussi après. Non, ça dépend, parce que ça dépend. Si tu veux manger équilibré, c'est sûr que si tu ne manges pas régulièrement ce que tu prévois, c'est sûr que tu auras peut-être des malaises. Mais faut se dire une chose, la main. C'est de se prendre le courage à demande, prendre le courage à demain et de manger ce qu'on a prévu. C'est pas de dire bon, moi, je vais commencer aujourd'hui, demain j'arrête, je reprends après. Non, au contraire, faut continuer régulièrement. D'accord. Pas essayer de le faire un jour sur deux, parce que sinon ça sert à rien. Mais Gérard, quand tu dis manger équilibré, ça veut dire quoi ? Manger le même poids à gauche qu'à droite ? C'est quoi le Non, mais manger équilibré, attends, toi tu ferais mieux de te taire, parce que toi je te demande. Non, mais manger équilibré, c'est-à-dire de manger des trucs. Je viens de le dire, puis non, mais gros. Mais je te l'ai dit, c'est des salades, des trucs qui font pas grossir. Ah, ok, d'accord. C'est tout. Donc, Sinon, Gérard, excuse-moi. Ça veut dire quoi, justement, manger équilibré ? Putain, mais je viens de te le dire, c'est de manger des salades régulièrement et des carottes. Ah, ok, d'accord. Oh, merci. Putain, mais t'es borné ou quoi, toi ? Ouais, Rigo. Non, c'était juste... Excuse-moi, Rigo. Gérard, ça veut dire quoi, manger équilibré ? Non, ta gueule. Je te réponds plus. Allez, hop, okay. Maintenant, terminé pour toi. Je l'ai perdu. Bon, ok. Je sais plus. Donc, petit bout de mystère. Je suis à l'antenne, là ? Oui. Donc, pas de problème. Tu dois manger de la caquette pour maigrir, non ? Ouais. Pas ta gueule ! À manger qui veut. C'est la fête de la musique ! Bon, de toute manière, on va faire le. Allô, Gérard, c'est Jean-Pierre, Gérard. Petite bulle mystère, tu réponds à la question, puis on fait conclusion derrière. Gérard, c'est Jean-Pierre. Donc, je te disais, c'est vrai que manger, ça sert à rien du tout, mais si tu manges pas, évidemment, tu peux tomber et faire de l'anorexie. Donc, je sais de quoi je parle. Mmh. Hein ? Ouais. Et puis voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Mais je pense que c'est vrai que c'est pas une solution non plus. Ok. Donc alors, on va finir avec le sondage. De la musique. Ta gueule. Le champagne coule à flot. On va finir avec le de la culture. On va finir. Le jour de la fête on va finir avec Jean-Pierre. Hein. On va finir avec un sondage. 43 pour faire un régime seul. Alors 43% sont déjà seuls dans la vie. 26% en ont déjà un à la maison. 15% préféreraient qu'une femme soit livrée avec. Et 10% le font quand ils dorment. Et la dernière question, et ça sera la conclusion juste derrière. Existe-t-il des médicaments pour un régime? Donc ça revient avec ce que la personne sur IRC me poser, donc s'il passe et tout ça. Donc on va demander ça demander à Bonnie Trailer pour terminer. Bonnie Trailer. Excuse-moi Gérard, j'étais en antenne. Pote, je confirme. Mon pote. Alors, la dernière question. De fun. Bon, alors, au revoir, terminé. Mais Gérard. Terminé. Au revoir. Chut. Je vais te faire enculer, PD. Hop, terminé pour lui. Ah, c'est pas cool, ça. Tony. C'était la paire. Si, il est là. Tony, il est à l'antenne, moi aussi, Nanani. Bon, Bonnie Trailer, c'est terminé. Ouais, j'arrive pas à le zapper. Je ne peux pas le savoir. Alors, conclusion. Merci, Manu. Laisse tomber, je suis un pirate, moi, Lascar. J'arrive pas à le zapper. Non, je ne peux pas le savoir, c'est terminé. Terminé, conclusion. On t'appelle de France Télécom. Hop, voilà. Donc, conclusion du débat, on va demander à Petite Boule Mystère. Ouais, bah, conclusion, c'était un très bon débat. Et puis. Bah, faites un régime partout, dans votre cuisine. Ouais. Alors là, Manu. Oh là là. On fait un régime de l'hiver, là. Ouais. Ah. Oh là. Ah, Manu s'est cassé la jambe. Ah, je crois, ouais. Oh, merde. Là, Manu. Bon, alors sur ce, Manu. Non, c'est... Je m'en fous, c'est terminé. Oh non, mais t'as pété la jambe de Manu. Voilà, je veux pas le savoir, il a pas à couper les auditeurs comme ça, donc Petite Boule Mystère. Allô? Ouais, t'es là? Elle est là? Oui, je suis là. Allô? Ouais, attends, fais gaffe, toi. Attends la réunion de tout à l'heure, comment tu vas te faire engueuler? Allô, non, pas de réunion, merde. Non, mais attends, toi, de toute manière, t'as rien à voir parce que toi, il y a que toi qui a bien bossé ce soir encore. Ah, ouais, mais j'attends plus d'un. Merci, merci, ma grosse. Petite Boule Mystère. Oui, je suis là. Donc, conclusion. Bah, conclusion, je sais pas si j'étais coupé, mais bon, c'est pas grave. Si t'as été coupé, parce que c'est Manu qui t'a coupé. Non, t'as pas été coupé. Si. Donc, je voulais te dire, très bon débat, et puis faites un régime dans votre cuisine, dans votre chambre, enfin partout, quoi. D'accord. Bah, vas-y, voilà. Montre l'exemple. Montre et une dernière conclusion, je te kiffe, Gérard. Ok, moi aussi, je te kiffe, ma chérie. C'est gentil, ça. Body Trainer, il est plus là. Tony. Bah, bon, allez, hop, lui, Bonnie Trailer, c'est terminé. Tony, il est plus là. 0%. Je suis là. Bon, conclusion. Bah, je suis bien content qu'on soit réconciliés, GG. C'est faux. C'est vrai que j'avais pété un peu les plombs et je m'en excuse encore. Mmh. Et ce qu'il faudrait, mon GG, c'est que tu vires un petit peu moins les personnes et que tu les écoutes parler. Non, mais attends, Tony, moi je vais te dire une chose, que si je vire les personnes, c'est que les gens ils sont pas capables de répondre aux questions. C'est donc ça sert à rien de faire des débats avec des cons. Des fois, bon, on répond un petit peu à côté des questions, c'est vrai. Attends, Tony, moi je vais te dire une chose, que les questions je les prépare avec Sandy. Faut dire une chose, que on met du temps à les préparer. Hein? Alors, faudrait peut-être quand même écouter les questions qu'on vous pose, parce que là, ce soir, le débat sur le régime, normalement, il y avait 11 questions. Alors, vu qu'il y avait des connards comme Bonnie Trailer qui arrêtaient pas de faire sa merde, dans ce cas-là, ça servait à rien que je fasse un débat comme ça. C'est tout. Il faut pas mettre tout le monde dans le même sac aussi. Ouais, non, mais même, je vais te dire une chose, moi, c'est comme ça que je le prends. Alors maintenant, si ça plaît pas, c'est pas la peine qu'on vous sélectionne. Ok? Alors, 0%. Oui, Gérard. Il y a du Larsen, là, c'est pas bon, Gérard. Eh, Gérard, 0%. Tout va bien, c'est parti. 0%. Oui, Gérard. Moi, la conclusion, c'est que je préférais Tony quand il était impertinent et quand il arrêtait de te lécher. C'est vrai. Oh là là, qu'est-ce que je vais te mettre? Je vais te mettre une cartouche dans le cul, toi, tu vas pas. Ça y est, c'est du mytho. Bifi du sanctif. Sinon, je te kiffe. Bifidus active. Mon copain Arnett. Bifidus active, 0%, c'est terminé, au revoir. Sinon, je kiffe mon copain Tony. Et sinon, je kiffe mon copain Caramel. Allez, c'est quoi? C'est une meuf, c'est un garçon? C'est quoi, Bifidus? C'est quoi? Non, je suis là, moi. Alors, ta conclusion? Alors, je remercie Mégane pour la case d'Elie. Et déjà, je voulais dire que pour l'information, Manu, manger équilibré, c'est s'en prendre autant dans la bouche que dans le cul. Donc, merci effectivement, beaucoup, Gérard, il va te montrer. Ouais, t'as raison. Et je voulais juste te dire que toi, les régimes, je pense que dans ta vie, t'avais pas perdu beaucoup de kilos, mais t'as déjà perdu des dents, donc c'est déjà pas mal. Alors, je vais dire une chose, que là, ça te regarde pas. Ma vie privée te regarde pas. Alors, en de bon entendeur, salut, le prochain coup, tu fermeras ta gueule, ok? Moi, c'est comme ça que je te réponds. Alors, maintenant, tu fermes ta gueule et je veux plus t'entendre. Au revoir. Conclusion IRC. Alors, il y en a plein. Faut que je les retrouve parce que ça risque de mettre un peu de temps. Ouais, surtout si on a l'autre qui va me dire que ton débat n'avait ni queue ni tête comme toi. Non, je l'ai pas vu. Alors, il y a Jupiler qui dit que les régimes, c'est tabou, on en viendra tous à bout. Non, c'est pas un truc tabou, ça c'est faux. Il y a Snooze, Monsieur Snooze qui dit qu'un régime c'est comme les 35 heures, ça marche jamais et ça crée des problèmes, surtout dans les débats. Non. Apparemment, bah si, puisque t'as pas arrêté de gueuler. Ouais, bah peut-être. Et sinon, il y a Yankee, Davy One et Turpentine, ils disent, ils sont désolés, mais tes régimes carottes et tes régimes salades, ça avait ni queue ni tête comme toi. Ouais, bah dans ces cas-là, qui bouffe des carottes. On peut avoir le dernier chiffre pour conclure. Il est 59. Ça va être compliqué. Il est 59. Non, il est 3 heures. Pile. Ouais, 3 heures, tiens, 3 heures. Donc, on n'a pas dépassé les 10 000, malheureusement. Oh, je crois que le maximum qu'on a fait, c'était 9 997, puisque là, on est un peu... Oh là là là là là là là. Comme la semaine dernière. Donc, sinon, il y a l'Agafou qui n'est pas content parce qu'on n'a pas parlé des électrodes pour maigrir. Ah si, on en a parlé. Les vibros. C'est Pildar qui en a fait illusion. Ah, il en a fait illusion. On en a parlé, j'ai dit que ça servait à rien de... T'as fait illusion, toi, pendant la soirée, quand même ? Non, mais moi, personnellement, c'est pas avec ça que je ferai un régime. Hein. J'ai pas besoin de ça pour faire un régime. Hein. Oh, mais non, mais c'est pour te muscler. Quoi, attends, pour muscler, tu ferais mieux d'aller dans une salle de porc et... Une salle de porc. Ouais, une salle de porc, tu vas voir, il y a des grosses cochonnes là-dedans. Mais pour maigrir, tu sais, tu prends des trucs là, demain, là, et tu l'élèves. On va voir combien de temps que tu arrives à l'élever. Gérard, pour maigrir, tu ferais pas... donc, tu utiliserais pas des trucs qu'on met sur le corps, les vibros, tout ça ? Non. Pas de vibros ? Non, parce qu'en fin de compte, c'est rien, ça vaut rien. Donc, alors, sur ce, vous allez retrouver Seb pour la nuit sans pub. Et puis, Larsen, Manu, Larsen. Ah non, c'est pas moi, si je fais du Larsen, je fais semblant. Ouais, t'éteins ton micro, ça vaudra mieux quand je parle. D'accord. Donc là, vous allez retrouver Seb. Putain, mais lui va s'en prendre un aussi, un catalogue dans la tranche. Hein. Mm-hmm. Donc là, vous allez retrouver Seb pour la nuit sans pub et puis Max à Bordeaux ce week-end. Au Space Opera. Au Space Opera, c'est samedi. Toi, Gérard. À la Strada à Agen. Toi, fais-moi confiance que quand le chef y part, tu t'arrêtes d'y couper la parole parce que toi, t'es même plus capable de faire ton standard correctement. Alors si t'es plus capable, tu restes plus dans l'équipe. Et donc à Agen, à l'Astrada, et bien sûr dimanche soir, à partir de 22h, vous retrouvez le Stas System. Et moi, avec le classement de Johnny Rock. Avec Johnny Rock, et donc. Donc si les gens ils veulent poser des questions, ils peuvent appeler. Au 01 40 521 521. Et moi je vous retrouve la semaine prochaine pour. Et c'est quoi le débat? Ouais. Ça, on ne sait pas. Surprise. Et tu fais quoi ce week-end? Ce week-end, je baise. Sandy. Je baise le cochon. Et par tous les trous. Finit avec quoi quand même ? T'as reconnu ? Bon, on va se finir avec Undo Stress. Toi, c'est pas la peine de t'amuser avec tes pommes de merde. Il y a encore ma mère. Allez. Uepa ! Undo Stress ! Un pasito pa'lante, Maria.